Ça y est, ça commence. Hein, les incidents. Madame, monsieur, salut. Monsieur. Il est l'heure de se retrouver pour ces grands moments de la Coupe du Monde, ces grandes sensations, vous savez, de haut en bas, de l'hémisphère sud au l'hémisphère nord, que nous allons bien sûr commenter, co-commenter bien sûr avec notre ami David, notre ami Jacques et notre ennemi Jean-Louis. Et moi mon cul, hein, c'est ça. Et moi, Jacky, vous avez été cité, Jacky. Ah non, vous avez cité David, vous êtes cité vous-même, vous avez cité l'enculé de Jean-Louis. Moi, vous m'avez totalement omis. Allez, ça y est, on se tripe. Oh là là, les Japonais sont... Nous réécouterons. Alors, est-ce que ce son a l'air bon? Est-ce qu'on y est là? Qu'en est-il? Bien sûr que nous sommes. Oui. On va écouter le son pour vous gratifier aujourd'hui d'une qualité sonore absolument divine. 10 septembre 2011, la veille où tout va péter, nous allons vous commenter peut-être le dernier match mondial du monde. Non, puisqu'on en fait un après là. Oui, mais peut-être qu'ils ont prévu que ce soit aujourd'hui le 11, certains. En tout cas, on a l'impression que c'est le 11 tous les jours depuis la semaine. À croire que nous sommes le 10. Voilà. Et moi j'allume un peu parce que le studio est petit là. Puis... Il va faire chaud. Alors, les deux équipes, donc, vous savez que c'est le premier match de l'équipe de France de ce premier tour de cette 7e Coupe du Monde de ce Sporta 731, bien sûr. 1m78 ce Sporta 31, 22 kilos. Ce qui est assez bizarre pour un match de rugby. Dans quelques instants, le time shift avec monsieur l'arbitre. Ouais, oh là, ils sont prêts. Les Japonais vont fondre sur Pearl Harbor là, et nous attraper à la gorge. Are you ready? Are you ready for the game? Are you ready for the day? Are you ready avec monsieur? Ça c'est parti, tout, time hein. Shift. Oui, oui. C'est important le time shift. Jean-Loup, tu m'affiches tout. Affiche jaune, bleu, acétique, NPE. Tu signes en bas et tu le renvoies avec un timbre à 76 centimes qui vient de... Ça n'existe pas. Les Japonais qui repartent donc. C'est ça, en rouge les Japonais. Ouais. Et puis, on va en profiter pour vous parler un petit peu de trio arbitral. Hein, monsieur Safeto avec son assesseur, monsieur Safeto. Ouais. Et lui-même étant assisté de monsieur Safeto. Avec les Japonais dans leur petit camp. Ils sont. Ah, ils vont faire un petit jeu sympathique, les Japonais, petit... attention. Oui, ils sont pas grands, oui, c'est ce qu'on dit. Hein. Puis quand on les rencontre en judo, on les trouve quand même assez grands. Récupération française avec Heyman. Donc. Lèvre en feu qui nous a concocté une équipe de France qui te plaît, Jacques, non? Je n'ai pas bien regardé tout, sachant que, comme nous l'expliquions hier, hein, à 10h58, ne comprenons pas pourquoi l'équipe de France de rugby a fait les mêmes problèmes que l'équipe de France de foot en remplaçant l'entraîneur de l'équipe de France avant le début de cette Coupe du Monde. C'est assez terrible. Quelle vieille pute, quand même. Hier, à 10h58. Nous ne comprenons pas pourquoi l'équipe de France de rugby a fait les mêmes problèmes que l'équipe de France de foot en remplaçant l'entraîneur de l'équipe de France avant le début de cette Coupe du Monde. Pour l'instant, le son est bon. Ça, c'était... Le mot est grave et le son est bon. Avec les Français qui sont en Poséidon de balles. Voilà. Et là, il y a infiltration dans l'usine de TEPCO. Oh, et on voit là-bas l'infiltration. Oui, mais trop personnel. Oui, ou alors il a été plaqué très bas. Ouais, ce qui est très intelligent. Il a pu donner son ballon avant d'être repris par la défense japonaise. Et notamment... cet aviateur magistral qui n'est autre que Yamashuti qui sait, il a bien joué le coup, même si l'offensive française était jolie face à la petite naïveté japonaise en défense. Voici, c'est lui hein, qui s'en va, c'est Paco Echte Ibanesh. Paco Echte Ibanesh, qui est Esteban. Oui, Esteban. Reban. Et c'est Reban, donc. Le soleil en lui toute l'année dans la tête, oui. C'est la fête. Ah, ça démarre fort. Hein. Oh, quel réveil en fanfare. Ne mangez pas mon micro, il y a des croissants. Il y a des croissants, qui vont arriver. Hein. Demain matin, 11 septembre, il y aura des croissants. Vous pouvez nous livrer au chalet. Mêlé dans les 22 japonaises, nous sommes Harbour. Le compte. Non, s'il vous plaît, Jacques. Le compte, un service, le compte. Arrêtez ici, vos pères. En direct d'Harbour. Arrêtez vos pères, là. Hein, oui, la menace japonaise qui se rebelle, qui se rebiffe, qui se rébellionne. Et là, c'est goal. C'est goal para Francia. C'est goal para Francia avec le capitano. Le capitano qui met le goal. Et non, pénalité pour le Japan. pénalité pour la Japan Corporation, Team Tecpo, Honda, Sony, tout ça réuni. Pénalité pour Japan Man. La garantie, trois mots. On va voir ce qui s'est réellement passé. Non, pas vraiment. Hein. Tout le monde s'en fout. 3 minutes 20, 3 minutes 21, 3 minutes 22. Toujours 0-0 entre les deux formations. Alors que normalement, on s'attendait à un démarrage en fanfare de l'équipe de France, c'est-à-dire à une écrasante domination. On va dire quand même qu'on est quand même bien, bien dominant. Bah, pas vraiment. Hein. Regarde, bien. Non, on va dire qu'on si était on va... efficace, ah, on est ouais. dominant. Si on regarde, je suis sûr, Jean-Louis, que si tu as la possession du ballon, on serait surpris. Oui, mais on est dans le camp japonais. Après tout, les Japonais ont le droit d'avoir le ballon en défense. Récupération par Heyman qui a bien joué le coup. Non, il a feinté le petit coup, c'est pas mal vu. Récupération française avec l'offensive et cette fois-ci c'est l'essai. Cette fois-ci c'est le bon essai. Mais le d'accord. bon essai français. Allons, enfants, non, toujours pas. Quel ça va venir, ça va venir. Mermoz. Qui ça? Mermoz. Non, il joue pas. Il joue pas, hein. Mermoz. Il est dans la tribune. Et est-ce que l'arbitre accorde l'essai à l'équipe de France, Jean-Louis? Oui, visiblement c'est Jean-Louis. Fait. C'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre, la parole. Bien la parole. Qui a bien taquiné. Ouais, il a taquiné la mule, il s'est enfoncé, il a marqué, il a tué. Ouais, la vache, elle a pas tenu. Ouais, t'es une CNC, quoi. CNC comme pour l'équipe de France, quoi. Bravo, les gars. Tout de suite, tout le journal. On avait tous peur, quoi. Eh bien oui, l'équipe de France vient de marquer un essai, c'est un peu un essai bordélique, hein, je ne vous le cacherai pas. Après une feinte d'Heyman, hein, une reprise de ballon magnifique par Jean-Pierre Lacourcade, et ensuite c'est Jean-Pierre Laparole qui va se faire saisir, même si le capitaine est pris là ici, il donne le ballon, il n'y a pas d'en avant, c'est goal, goal, goal, goal, goal. La touffa qui était partie. Oui, c'est pas mal. C'était pas mal vu. Et c'est goal, oui, effectivement, cette fois-ci, c'est bon pour l'équipe de France. Il ouvre le score ici, face au Japon. Perlarou a commencé. Tout de suite, la page animaux de compagnie. En effet, est venu au secours des pays en difficulté. Là. Oh là là, transformation réussie depuis le coin. Attends, s'il vous plaît, Philippe, arrêtez-moi ce son immédiatement. Il est que 8h du matin, les amis. Vous êtes complètement givrés, non? Je voulais tuer des gens au réveil. 7-0 pour l'équipe de France. C'est bien, de toute façon. Alors, la partie, le jour du match, comme pensé. Ce sont les Français qui veulent tuer les Japonais au départ de ce match. Rugbystiquement parlant, bien sûr, c'est du sport, c'est sportif, c'est l'esprit. Viens me prendre sur le 0-8. Non, je quitte. Apparemment, c'est l'esprit, ça aussi. Non, c'est l'esprit. Ça, c'est l'esprit, oui. Ouais. Ah, non mais doucement derrière le son là, ça sera pas ou quoi, qu'est-ce qu'il y a, l'info toute l'année, tout le temps. Jean-Louis, t'as un décalage horaire. C'est sa mission. Ce n'est pas ton émission, ouais. C'est pas pareil avec une chandelle qui regarde, a été contrée au bénéfice des Japonais, oui, en les 22, oui, avec un contre. Oh, ouh, donc, il y a un double sandwich d'un petit sushi. Ouais, il y a un an avant, c'était une récupération de balle. Et on a failli assister, ouais, au premier essai japonais, ce qui était alors absolument fanfaronesque, ouais, saloperie. Est-ce qu'on peut revoir le saumon remonter le fleuve? Ah oui, c'est bouché. Là, il voit arriver. Voilà. Et oui, le saumon qui saute par-dessus. Et hop. Et ça, c'est dommage là, qui ne contrôle pas son ballon, ce salopard. Et bon plaquage de Latoufa. Le jeune joueur français. On peut dire le score ou c'est trop tôt? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Il est 7h. Oui, il est 7-0 pour l'équipe de France. Et vous auriez pu attendre la 7ème minute si tu étais par 7. Oui, bon. Attention l'arbitre, monsieur, ça fait tôt, le dit à tout le monde. Réveillez-vous, petits cons. Réveillez-vous, les petits café. Cons de joueurs. Café pour tout le monde. Apparemment. Ouais. Oh là là, les Japonais, ils sont tous là. Hein. Il y a le baron rouge, le baron vert et le ballon bleu. Sakamoto Un, chanteur de soul. De soul la mêlée. Hein. Bien évidemment, attention, c'est une introduction française et la France a eu chaud à l'embute. Comment vous dites, madame? Pénalité, on est allé. Oui, oui, bah oui, les Japonais savent qu'ils ont un léger déficit, hein, dans ce domaine et donc ils vont essayer de prendre les appuis un petit peu plus vite que les tricolores histoire de ne pas subir la pression. Voilà pourquoi ils sont pénalisés sur cette offensive. Jean-Louis, c'est bon, hein, les machines sont au point, ouais. Tu peux arrêter. Ah, tu peux l'arrêter là, Jean-Louis, tu m'en fous plein les oreilles. Non, Jean-Loup, on te demande, Jean-Loup. Jean-Loup a le réveil tonique, il faut le savoir. Ah, on l'appelle Elliot Fitness. Alors, l'érection sonore, c'est Jean-Loup tous les matins à partir de 7h. Ah, oh, ben oui, écoutez, en direct de Harbour. Hein. Ah, direct de nulle part. Jean-Loup, il est en direct de chez lui, là, il est dans la cuisine, il a balancé la purée, oui. En oui. tout cas, cette touche est récupérée, mal récupérée par les Japonais qui sont fixés par la défense française. Ouais, non, c'est dommage parce qu'ils font des fautes de main, les Japonais qui ne s'imposent pas. C'est dommage parce qu'ils ont quelques petits ballons à négocier, à jouer. Et ils pourraient mettre en danger cette équipe de France qui mène 7-0, certes, mais qui ne fait pas montre d'une grande maîtrise en ce début de confrontation exotico-rugbystico-politique et sportive. Madame, je vous invite à nous rejoindre, tous et toutes, à partir de 10h30 pour le second match de cette journée d'antenne. Ils ont battu le pays hôte, la Lituanie. D'accord, puisque c'est comme ça. Avec Vrenja qui est la bien passate. Mauvaise passate, par contre. Permet le contre japonais avec Yoshi qui va aller chercher Super Mario, récupération de François Trouduc pour l'équipe de France qui donne à Boucherie, et Boucherie qui dégage dans une ambiance tout à fait délétère ici dans le studio où Jean-Louis et Jackie se battent désormais pour être dans la musique, et les Japonais qui rattaquent. Nakano qui a des médailles. Hein. La cano, Jacques. Je surfe. C'est encore les vacances. Ouh, les Japonais dont on dit qu'ils ont le jeu fin. Essaye de remettre tout ça ensemble, tu vas voir. Dont on dit qu'ils ont le jeu fin. Un fanfion. Oui, avec Ponja. Non, mais attends, c'est qu'ils attaquent Miko et en avant. Et Berbizier qui fait un en avant. Faute française, pénalité pour le Japon. Trop de son maintenant. Oui, arrêtez un peu la musique. Non, les gars, vous êtes fous là. Vous nous entraînez dans une sarabande folle. Arrêtez-moi ça immédiatement. Rien que pour les voisins déjà. Ouais, sud-ouest. Au sud-ouest. Les voisins du sud-ouest. L'action ralentit. Oui. Position pas de hors-jeu. Position de hors-jeu de l'équipe de France. Ça. Voilà pourquoi. On va s'arrêter là. Merci, non, merci derrière. Merci, arrêtez derrière. Arrêtez tout, merde. Ah. 29 degrés cet après-midi à Strasbourg, 32 à Lyon. Le ciel sera plus variable. Merci, ça va. Arrête. Ah, visiblement, on ne peut pas arrêter le son. Oui, il est intégré. Ah, attention, pénalité pour James Pan. Donc. Attention. Que je salue. On voit les deux tours, on voit les deux tours jumelles. Il vise bien. Il vise bien. Entre. Lui, il faut qu'il vise entre, pas sûr. Oh là là, il se loupe. Ah oh, là, il se loupe. Il n'avait pas réinstallé son pilote. Oh, ouais, non, mais quel con pilote. Quel con pilote. Là, ils ont pas les têtes de japonais. Eux. Et alors? Ils ont que le look. On a bien le droit quand même, mais oui. D'accord, enfin. Sanction, mais finalement, on n'est pas. Quand il n'y aura que des Japonais en Afrique, peut-être on changera le nom du continent, et inversement pour le Japon. Tu sais qu'on a pratiquement joué 11 minutes de jeu, là, déjà, dans cette. Ce match est tout pourri, hein, mais. 11 sympathique, mais tout pourri, tout de France même. 7, Jap 0. Ouais. Et ce sera une relance de François Trouduc, pour l'équipe de France, là, qui préfère même jouer tout à fait loin là-bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne veut pas. Forcer l'impact physique, on veut ne pas mettre la densité, puissance, collectif, maîtrise et saloperie réunie. Oui, les Japonais qui jouent à mort, les Japonais qui jouent super bien. Oui, oh, c'est dommage. Oui, mais là, c'est le contre. C'est le contre de Trouduc. Trouduc. François Trouduc, Daffy. Daffy pour les amis, c'est goal. Deuxième essai en contre pour l'équipe de France et c'est dommage parce que ce sont les Japonais qui faisaient le jeu. Je suis un peu circonspect face à cette situation. Oui, mais il ne suffit pas de faire le jeu. Je pense qu'au contraire, même les Français ont pris les Japonais à leur propre jeu. Oui, ils l'ont pris à la gorge. Là, ils les ont pris à la gorge du Tarn. Voyez-vous, ils l'ont mis comme il faut à ces pauvres Japonais qui étaient en train de combiner naïvement derrière. Et là, François Trouduc, c'est un vicelard, hein, il faut le savoir. Oui, quelques origines asiatiques, d'ailleurs. Oui, absolument, Jacques. Regarde-le, il est prêt, il sait qu'il doit y avoir la transmission de balle. C'est là qu'il l'attend. Voilà. Petite main, pas d'en avant, et c'est tout droit. Maintenant, s'il loupe l'interception, c'est laissé japonais. Mais il même a pas de. Son coup. Ouais. Il n'y a même pas la porte à ouvrir. Hein. Et Dieu sait s'il l'ouvre, la porte. Oh, non, m'en parlez pas. Non, ne parlez pas de ce type-là. La nuisance du rugby français. Ouais. Il retrouve du boulot partout, mais pas pour longtemps à chaque fois. Et là, voilà. Oui, Jean-Louis, ça suffit le ralenti avec. Le ralenti sonore. Ça suffit. T'es décalé, calé. Non, je ne suis pas décalé. C'était juste une expression, monsieur. Oui. Voilà, donc ça nous fait 14-0. Voilà. Vinassou. 100. Ah, mon ami Vinassou. Lui, il a fait le maté. Oui, 14-0, donc c'est pas. Ou le kamaté, même. Parce que maté plus kamaté égale deux pays différents. Bien évidemment, karaté, c'est autre chose. Hein. On est trois pays. Qui dit mieux? Jean-Loup. Non, Jean-Loup, il dit plus rien. Oui, va aux fraises. Il y a longtemps qu'il ne parle plus, Jean-Loup, que par geste. Allez, France 6. Oh, c'est trop long. 6. Oh oui, quel portier. France 14. Le gardien japonais qui a tenté quand même de sauver ce ballon. Mais ce n'était pas fait. Petite touche, on a le droit de la jouer comme ça. Oui, mais on n'a pas le droit de la rejouer. Ah, finalement, on considère que ce ballon était sorti et que c'était une mêlée au centre du terrain. Regarde le gardien japonais qui sort cette lucarne. Magnifique. Oh, très bien. Regarde où il tombe, pas tout compris. Il n'a pas tout compris au jeu, visiblement, ce joueur. Alors, donc, écoutez, 14-0, c'est quand même direct au niveau du score. C'est même bien planté. À toi qui voulais que tout coïncide, regarde, 14-0, 14 minutes, finalement on va avancer petit à petit comme ça entre le score et le temps. Ça va se suivre, après 21 minutes il y aura 21-0, après 28, est ouvert. Ça te plaît ça, oui, bon changement de Dimitrouille. Dimitrouille, alors qu'est-ce qui peut passer, Manon, depuis plusieurs années. La touffa, plaquage à retardement, mais on est au centre du terrain, ce n'est pas d'incidence énormissime. Non, c'est gentil. Bon esprit, monsieur, c'est Tréto qui laisse jouer. C'est Safeto, c'est monsieur Safeto, Jacques. Safeto, pardon. Parce que monsieur c'est Tréto, il est en train de bricoler, là. Il met la tapisserie. Avec sa femme. Il met la tapisserie, monsieur c'est Tréto. Vous le connaissez bien évidemment. Pénalité pour la France et on va la tenter. Qu'est-ce que c'est? Nous on est loin de l'écran, donc on voit pas bien, c'est une pénalité. C'est quoi ce stade là? C'est un d'Europe. Ah non, finalement c'est oui. Un coup de pied en touche. Alors que les joueurs, les Japonais ont, vous le voyez, ils sont les jaunes là-bas, vous les voyez, les jaunes dans la tribune. Les Japonais ont tout simplement naturalisé à outrance, il faut le savoir. Mais quoi, non ? Pour pouvoir avoir une équipe. Naturalisée des. À outrance. Ou France, oui, peut-être. Vous m'emmerdez. Quand on est mené. Quand on est menu également. Oui, mais là, on n'est pas mené. Non, du tout. Et même pas surmené, d'ailleurs. Il y a les jumeaux du côté français. Brillant. Dupont. Oui, bien sûr. Du petit pont aussi, mais il joue au foot. Il joue au foot. Il joue au foot, du petit pont. Est-ce que Crampon, lui, a été... Ah, attention, avec l'autobus. L'autobus français qui part. C'était Sembat. William Sembat. Et le ballon est toujours français avec un essai supplémentaire. Bien dessus. Non. C'est Pisseo, maintenant. Bonne récupération japonaise. Qui suivent avec Japs. Japs again with the foot. Yes. Direct, il peut le faire de toute façon. Le ballon revient dans le jeu. Dans l'air de jeu. C'est un marvelloso. Jacques est en train, bien évidemment, on de se prévient Argentine-Angleterre, bien sûr, tout à l'heure. Marvelous. The big noise. Marvin Marvelous. Yes, il faut en garder sous la patatose. Oui, c'est vrai. Hein. On va commencer doucement. D'abord, il est tôt. Vous n'êtes pas là. Est-ce que nous avons un auditeur, au moins? Il est tôt, auditeur. Est-ce qu'on peut me dire si nous avons un auditeur ici présent? Ça dépend combien on est connecté, mais j'en vois 8. T'en vois 8? Ils sont complètement fous, ces gens-là. Vous êtes complètement fous d'écouter Sportsov avant 10h du matin. Des insomniaques. Tu veux rire. Des travailleurs. Ah, des vrais travailleurs. Samedi matin. Eh bien sûr, Jacques. Très bien, très dur, oui. C'est peut-être notre dernier jour mondial, au rythme où on nous vend le 11 septembre, 10 ans après. Je pense que demain, tout va péter. 10 ans, ça, il faut le dire, Jacques. Alors, qu'est-ce que c'est? Une pénalité. Une pénalité pour les Japonais qui ne s'affolent pas. Ils sont certes menés 140-3, mais ils continuent quand même d'y croire. Tu m'as l'air bien sérieux, d'accord. Pour parenthèse, je venais de le trouver à peine. Vous m'avez cassé mon sérieux. Ça manquait vraiment d'originalité. Non, madame, vous auriez vu la tête à Jacques, il était sérieux. Ou alors il s'était rendormi pendant 5 secondes. Attention. Un coup de pied quand même. Je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment commencer à envoyer vos messages sur le sportaz.fr, sur l'onglet Réagissez. Ça nous fait du bien. Vous ne le savez pas, mais ça nous fait du bien. On les relit le soir avant d'aller au lit. Avant qu'on nous enferme dans le chalet. Où nous sommes chalet malécoum à tous. C'est parti pour Japan Airlines. C'est bon, c'est bien. C'est Tokyo. Le baron rouge là qui a été absolument saignant sur cette affaire et Japan. Donc ici, apparemment, on tire à l'arc. Les flèches ne sont pas arrivées encore. Je me pose une question. Est-ce qu'il y a le haka? Posez-la là. Est-ce qu'il y a le haka, Jacques? Le haka japonais. Le haka kiri, peut-être. Ah, je n'ai pas vu ça. Je ne suis pas venu en culotte courte. on aurait dit parce qu'il fait chaud quand même. Voilà. Il fait chaud dans le studio à la mi-temps. Nous mettrons donc du ventilateur. Je préviens la technique. À la mi-temps, il y aura un bruit de ventilateur dans le studio avec une récupération française, avec du foutoir. Du foutoir pour l'équipe de France qui défonce 4 Japonais. On passe le par mur. Nagasaki, avec Boucherie maintenant qui lui aussi propulse les Japonais en dehors de leur propre corps. Tellement il est puissant. Récupération nippone. La nipponnerie, Jacques. Allez, TEPCO qui s'infiltre à mort avec réacteur 2. Arrêtez vos nipponneries. Réacteur 3. C'est la fusion totale. Ouais. Montée japonaise. Réacteur 4 non, qui s'emballe, qui s'emballe, qui fume et qui sort le bal. Oui, et tout le monde à la piscine. Tout le monde à la piscine avec le ballon japonais. Ils jouent pas mal sur le coup, tu vois. Ça va, ils sont techniques, mais ça ne suffit pas juste de se faire plaisir avec le ballon entre amis. Ils se sont mis quelques Samoans, quelques Néo-Zélandais dans l'équipe. D'ailleurs, tout le staff, En parlant de staff, staff. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, vous l'avez un vu, coup de pied extérieur avec très vistard côté japonais récupéré par Bouf. Ouais, par la France avec Ayman. Ayman qui m'a relancé, mais je crois que monsieur Safeto est intervenu. Il a sifflé un saké. Un non avant. Il s'est sifflé un saké. Moi, qu'il se soit soufflé un suki. Ça sent sushi, regarde. Un sushi, tu fais, tu fais ce que tu veux, mais alors sans sushi. Et là, on revoit ce coup de pied particulier quand même du numéro 7 japonais qui improvise totalement sur la pelouse. Et j'aime cette improvisation, j'aime cette sortie du cadre, j'aime. Je pense que ça s'inspire un peu du curling. Ah, c'est quoi? C'est l'apéritif, hein, le curling. C'est ça. Pépitas fritas. Jean-Louis, c'est une mêlée. Nous allons atteindre les 20 minutes déjà. Alors, ce match passe à une vitesse folle. Hein. Oui, on n'a pas parlé des packs, hein, et pour causer le trop tôt. Pour en boire, donc 20 minutes bientôt, mais c'est bientôt. Hein. Ah oui, bientôt. Oui, par contre, sur la mêlée, voilà, c'est le déficit physique des Japonais. 14-3, technique, c'est ça, Jackie. Technique, Jackie. Oui, je vous touche. Hein, je vous attendez, touche, là on parle de perche. Là. Oui, je vous touche un mot d'ailleurs. Tenez. Alors, effectivement, c'est 14-3. On a vu le saut à la perche hein, de monsieur Safeto qui a essayé de. Enfin, qui montrait le geste technique pour bien passer la barre. Et on va regarder ce que ça donne. Avec Jean Galfione donc qui va tenter de passer les barres. Ce qui, il faut bien le dire, assez dérisoire. Oui, c'est dérisoire de passer la barre. Parlez-en à Pierre Quinon. Paix à son arme. C'était la perche. Il le montre à l'arbitre, soit la perche. C'est interdit pendant un match de rugby. Ce joueur japonais n'a pas compris ce qui s'est passé. En plus, il a le casque de travers. Il se pose des questions. Je ne sais pas. La tortue qui dort sur sa tête qui a bougé. C'est les turtles. C'est les ninjas. Hein. C'est les tortues ninjas d'un ninja. Côté contre l'équipe de Frousse de l'autre. On pourrait dire les ninjas de rien. Dans le petit ninja. Et la France va se tenter la pénalité. C'est curieux. Oui. C'est curieux de pourquoi. Il y a le Chili donc qui va tirer. Il y a le Chili qui va nous le faire. Ouais. Ouais. Le Chili concerné. Hein. Papinoche. Le Chili concerné, pour moi. Chacun fait sa vanne. C'est bon, on vous fait les papiers. Ah oui, c'est bon. Vous quittez la France. Magnifique soit la perche du ballon passe par-dessus la barre, qui passe donc les 3,34 m pour le ballon. C'est le record du monde du ballon, ici en direct de Pourlarbert. Il y a toujours eu du monde hein, pour les records. 17-3, donc admettons, ce qui est une température millibar, mais elle fait le max pour un score qui est pas si mal. Hein, millibar qui n'est pas ouvert encore. Hein, il faudra attendre un petit peu, Jacques. Bien sûr. Tu es gentil avec un petit coup de pierre en voie de la part des Japonais qui était gentiment fait. Ils vont être obligés d'improviser un peu, de faire des choses nouvelles s'ils veulent espérer bien évidemment déstabiliser l'équipe de France. Attention avec Air France. Ah, Air France. Je respire. Je cherchais Depardieu, mais il était. En train d'uriner contre un fauteuil. Je crois. Ah, attention, le japonais qui recule, il s'est fait défoncer. Ils lui ont mis les omoplates au niveau du fessier. Ça, c'est pas très bon pour lui. Attention, il tente le coup quand même. On peut rendre hommage à ces japonais de jouer, voyez-vous, de se montrer. Oui, mais c'est leur réputation, après tout. Ils sont à la hauteur de leur réputation. C'est la répétition. La réputation. Oui. Oh, pardon, il y a un petit ballon par dessus. C'est magnifiquement fait, mais. Saféito. Intervention de monsieur Safeto. Monsieur Safeito, aussi. Jean-Louis. Mais il était absent, monsieur Safeito. Safeito. C'est pour ça qu'il n'y était pas. Le ballon sorti par Yale Chili avec Mas. Oh là là, Mastic qui s'est fait quand même légèrement secouer. Et non, ce sera. Et même cette récupération de ballon n'est pas bonne. Le ballon est mal sorti. Oui, le ballon est mal sorti. Absolument, Jean-Louis. Il a été blessé, le ballon, je crois, le cuir, cette. C'est fait tanner, le cuir s'est fait tanner légèrement, on le voit. Le mastic n'est pas du tout content. de sa liaison avec le cuir. Et ce sera une mêlée au bénéfice des Japonais, mais ils n'aiment pas hein, la mêlée. S'ils pouvaient l'éviter, les Japonais, ça les arrangerait quand même. La mêlée, c'est pas tout à fait leur truc. Si on déposte, il faut regarder le nombre des élèves. Mais c'est quoi la première mesure qu'aurait pris le Front National ? De quitter la France, oui, je pense que c'est ce qu'ils auraient de mieux à faire, puisqu'ils l'aiment trop. Ou ils l'aiment mal. À trop aimer l'autre, à un moment donné, il faut le lâcher. Tu l'aimes mal. Eh bien, évidemment, c'est ce que je me répète à longueur de journée, en parlant de moi-même. Phrase. Hein ? Phrase, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Phrase pour Japus. Pour Japus. De phrase. Japus, oui, Japonoïoud. Oui. Oh, c'est bien joué. Oui. C'est bien joué pour Japon. Japon. Manga. Japon manga. Manga. Oui, oui. Oui, oh, Naruto. Naruto, là-bas. Naruto. Oh. Naruto. Jacques qui fait les pubs. Naruto, mais vous t'es... Ah, c'est bon, ça, regarde. Ouh, il est lourd, lui. Oh, il est lourd, Oh, ah, ouais, bah non, par contre, aussi, là, il basket à la fin, non. Il a dunké. Il a dunké, mais il n'y avait bien évidemment pas de panier. Et là, c'est fini pour lui. La journée terminée. Le genou en capilotade. Eh oui. Ah, et oui, c'est dur d'être naturalisé japonais quand on n'a pas été prévenu plus de 2 heures avant. Enfin, il est de l'hémisphère sud, hein, donc il n'a pas tout à fait la tête qu'à l'envers. Ah, on voit ça gentiment au ralenti. Bien, Jean-Louis, bien. Et on va regarder l'autobus. Regardez l'autobus japonais, là. Ouais, mais il lâche le volant et hop. Et finalement, l'arbitre rend la balle au japonais. C'est assez étonnant, avec une bonne petite combinaison là-bas. Oh non, quelle faute de main, quel dommage. Trop de fautes de main. Ce petit son, là. Ah, ça va les handicaper. Son, déjà, ouais, déjà qu'ils sont un petit peu en déficit, là, ça va les handicaper. Mais j'apprécie leur volonté de jouer. Heureusement qu'ils sont là pour nous réveiller ce match. Nous qui sommes déjà réveillés par nous-mêmes. J'ai cru comprendre que tous les peuples étaient en déficit. Enfin, les États, plus que les peuples. Hein. Oui, parce qu'il y a le déficit de notoriété, puis ensuite il y a le déficit financier, et ça c'est autre chose. Mêlée avec en renvoie les soigneurs. Lorsqu'il est arrivé, il est renvoyé immédiatement, casse-toi, connard. Et ce sera donc une mêlée pour France. Bien sûr, avec la touffa. L'arbitre qui veut que tout le monde soit à l'heure pour cette mêlée. Oui. Il y a toutes les télés qui sont là. Mm-hmm. Allez, on est dans le rail. Ouh, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Yes, avec it is. La touffa qui garde là-bas. Yes, it is. Oh, là, yes, it's good. Ça fait 25 minutes déjà en première mi-temps et le pack japonais. He goes. Le pack japonais est complètement défoncé. Ce sera une pénalité pour l'équipe de Frousse. He will be in. Tandis que je continue de préparer Argentine-Angleterre. L'été de l'offre en magasin est sur boulanger.fr. Bien, en parlant de boulanger, si quelqu'un peut nous amener les croissants, ce sera pas de refus. Avec une pénalité pour la France, ils ne vont pas la tâter, ils vont la tenter. C'est pas pareil. Non, non, tâter, tenter, c'est pas tout à fait la même chose. Alors que là-bas, il y a une espèce de tapisserie jaune dans la tribune. J'aimerais savoir, Jean-Louis, ce que c'est un petit peu, ce que ça signifie. Que veux-tu nous dire par là, Jean-Louis ? Allô ? Alors, Jean-Louis, on te parle, bordel. Attention, c'est une touche pour l'équipe de France qui va récupérer le ballon. Oh là là, Jacques, attention à ce que tu fais avec ton... Alors. Hein, calme-toi, papy. Alors, on peut plicher tranquille. Merci, Jim, de nous envoyer ses sons quasiment en direct. Lui Jim qui a loupé le match hier, hein, qui s'en veut terriblement, mais il s'est loupé d'horaire. Il y aura normalement l'oral de rattrapage dès qu'on aura Gmail qui remarche pour le podcast. La nouveauté Sportaz rentrée 2011 et c'est parti au 15. On lâche beaucoup de ballons quand même, du côté tricolore. Moi j'ai vu un petit en avant qui n'a vrai. Pas. Il donne la balle. Moi j'avais vu l'en avant plutôt du côté français. Oui, mais la dernière faute japonaise apparemment a été prise en compte. C'est un peu curieux ce qui s'est passé sur cette action. Les Japonais n'ont plus que ça hein, pour eux, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils embrouillent à mort le jeu français s'ils veulent espérer pouvoir faire quelque chose. Mais il n'y a que 17-3. Pour l'instant, tout va bien. Japonais donc. Oui Jacques. Jacques vient de réaliser que nous étions en train de commenter France-Japon. Il était encore tranquille sur un autre match. J'étais 11h. 7 degrés à Nice. Non, c'est à 10h30, hein, Argentine-Angleterre. C'est ça. La guerre des Malouines, hein, ne manquez pas ce reportage extraordinaire de Sportaz. Le débarquement. Alors. Les Français hein, qui avancent avec leur bus mêlé. Nous avons quelqu'un qui nous laisse 5 minutes car il a envie de faire AK. Oui, c'est ça. Tout le monde arrive. C'est l'heure du AK le matin. C'est vrai que... cette Coupe du Monde est bien placée pour ça. Et les messages nous arrivent, hein. Ça y est, Jim est là, apparemment, ouais, lui aussi, il aurait quelques soucis intestinaux. Enfin, tout le monde va bien, tout le monde est réveillé, bienvenue à tous. Alors que moi, pendant ce temps-là, je me la suis donnée grave. C'est Sporta 731. Ce sont nos femmes hein, qui en profitent. Qui a bien démarré. Ouais. Petit matin gay. Alors, on confirme que le son est bon aujourd'hui. Ah bien, et écoutez, oui, parce que Jacques a fait... Le changement professionnel. Oui, c'est ça, Jacques. Bien vous sûr. Savez, c'est un professionnel son de père en fils. Personne. Nous perçons. Et c'est une pénalité, une de plus pour l'équipe de France. On ne suit plus oui. du tout ce match. Moi, je suis sur les messages. Toi, tu fais autre chose. Il y a quand même une pénalité. Dimitri Yalchili qui place ce ballon entre les barres. Oui, et oui. ça fait 3 points de plus 20 à 3 voilà. au bénéfice de la France dans ce premier tour de la Coupe du Monde 2011. Française de rugby, bouge regarde, pas l'aristocratie prends la photo. La sécurité toujours là, mais ils sont plus qu'hier parce qu'il y a eu des problèmes hier. Tandis que Nicky Prof était là. Il surveillait les surveillants, lui. Nicky Prof. Ouais. Oh, belle récupération d'Ima Ibagnol. Ibagnol, le site de la voiture d'occasion et de la voiture neuve. Ah, on tente de se retourner côté français. On a sorti ce ballon proprement. Ah non, loupé. Trouduc là qui sait complètement. Ou Trenduc. Et après Jacques avec une belle récupération japonaise. Yapochito. Mise au sol avec Yapacito. Ippon. David Riner. Avec. Oh, belle montée de Yamashita. Yamashita, pardon. Qui s'est foutu par terre. Attention, Sakamoto. Oui, intervention, il va y avoir une pénalité. Il va y avoir, moi, est-ce que le ballon revienne on joue vite, on joue vite côté Japon, mais trop vite le ballon, il va plus vite. Non, oui, monsieur Safeto est obligé d'arrêter tout le monde. Parce que là, c'était un peu n'importe quoi. Et ça va donner l'occasion aux Japonais soit de prendre les 3 points. Est-ce qu'ils le font? Non, regarde-les. Au lieu d'aller prendre 3 points, oui, bravo. Bravo, bravo. Bravo, Japon. Japon. Oui, on se connaît un petit peu quand même. Alors, Jean-Louis, le public est parti, ouais. Il n'y avait qu'un applaudissement. Il s'est fait peur, le public, en applaudissant les Japonais. Jean-Louis, je vais essayer d'approuver un message. Tu ne dis rien à ta mère, surtout, Jean-Louis. Course à la dépense. C'est à quelle heure, la course à la dépense? C'est maintenant, c'est tout de suite. Avec les Japonais qui vont tenter d'enfoncer le pack français, ce serait quand même une grosse surprise s'ils parvenaient à aller dans l'embut comme ça. Regarde-les. Oui, ben là, du coup, c'est marche arrière. L'autobus japonais. Oui, attention, on remarque là. Non, mais c'est parfait. Et si la France écroule le monde, c'est ce qu'a fait la France, d'ailleurs. Et ce que signale l'arbitre, il y aura de toute façon une pénalité. Une pénalité, il a récupéré le ballon. Sony goal. Sony goal. Des Japan team. Avec moult shun, hein, quand même, avec effectivement moult shun et ces Japonais, c'est absolument extraordinaire. Passez-nous l'antenne, bordel de merde. Père Labour sur le camp français. Prévenez. Ce petit coup de pied contré qui va lui revenir dans les pattes, et voilà. Magnifique intervention de goal. Goal, Japs. Ah bah dis donc, quelle surprise, ça valait Japon, rien pour ça valait le coup de se lever. Hein. Il tentait de marquer un but et finalement il va mettre un essai. Il a joué sur les deux tableaux. Bravo Coco. Bravo Sony, japonais donc, dont on n'a pas vu les tablettes. On n'a rien vu du tout, et oui il est content. Et oui, la sécurité japonaise qui donc n'interviendra pas. Ils ont réussi à capturer un rubber. On a vu Nelson Moncor. Avec une tentative de pénalité, il a été moyen jusqu'ici. James Japan qui se prépare, qui se lit, qui s'improvise. C'était médaillé de bronze au JO. Oh non. Donc, ils ont acheté un tocard comme buteur, les Japonais. Ils ont naturalisé un charlot. À moins qu'il contre-joue. N'oubliez pas que c'est lui quand même qui a marqué cet essai. Eh oui, Kiri le clown. Le clown Kiri. Oui, enfin... Qui fait rire un petit peu de temps en temps. Ça leur fait du bien de rire un peu à ces Japonais qui ont connu un big drame. Et là... Oui, enfin, ils n'arrêtent pas d'en connaître, hein, les big drames. C'est pas la faille de San Andrea, mais pour eux, ça risque de devenir sérieux aussi. Ballon relancé par l'équipe de France, humilié par cet essai japonais. Certes, mais il y a toujours 20 à 8 quand même. Ah bah attends, 20 à 8, ça ne fait que 12 petits points d'écart. Et je sens bien les Japonais dans cette confrontation. Mais ça passe vite, et ça joue vite, et ça joue pas mal. Ouais. Avec beaucoup de chance, ils récupèrent le ballon. Ils ont, un en avant signalé par monsieur Safeto. Ils ont, c'est dommage, ils ont un déficit dans le jeu de main. Parce qu'ils pourraient, je le pense, être plus dangereux. Quelle musique derrière pour un réveil. Allez, on y va tous. Et 1, 32 minutes 24, 5, 6, 7, 8, Mêlée, l'instant difficile hein, pour la Japan Team, c'est là où ils prennent la rouste. Oui, sur quelques phases de jeu, ils ont quelques faiblesses, hein, ces jeunes équipe du soleil levant, cette jeune équipe. Ah oh, là, c'est par contre la mêlée couchant. Hein. Ouais, oui. Excusez-moi, hein, j'étais en train de me tripoter, de me remettre, hein, de tout me changer. Je vous laisse moi aussi 5 minutes pour aller inaugurer, bien évidemment, la cuvette du chalet. À tout de suite. C'est le détricotage de ce plomb. Ah oui. Qu'est-ce que vous tricotez, monsieur? L'avenir, nous espérons. Hein, mais 33 minutes de jeu, 28 seulement, dirais-je, pour l'équipe de France, mais surtout un essai marqué par les Japonais. Et ça, c'est intéressant. Mêlée, touchez, rentrez-vous. Rentrez-vous partout. Introduction France. Oui, on va jouer quoi? On joue là, le grand côté. Made in infiltration France. La panne, made in la panne. Ouais. Tricolore. Fixation France. Curieux ce maillot tout blanc aussi là, on fait quoi Jacques hein? On imite un peu l'anglais? Oh, c'est assorti au ballon. C'est le all white? C'est pour noyer le ballon dans son maillot et Pépé Mallet, Pépé Mallet qui monte. Les Français dans les 22. Il y a le Chili. Il y a le Chili qui la donne un mastic pour Trouduc. Et la combinaison française, oui. Il passe les bras, c'est passé tout droit et ça va, y va. Voilà, et oui, avec l'air de notaire là qui cette fois-ci a pu fermer l'étude et aller marquer tranquillement son petit essai. Clair, voyant, bien sûr. Oui, voilà, ce qu'on attend de l'équipe de France, effectivement, ça a été marqué comme la tranquille parade, comme voilà. Chez Ring Parade. Réaction française, réaction française. Guilux. Guilux, d'accord. Duty free. Réaction immédiate de l'équipe de France qui s'est ressaisie après avoir subi. Et on voit cette combinaison sympathique. Même si la naïveté de la défense japonaise est criante sur cette action, le décalage est fait sans effort. Ouais. Ouh là là, ça c'est quoi ça derrière là? Si on vérifie le taux de radioactivité, et c'est vrai que pour un matin on est très actif. 8h et un petit peu plus, hein, d'après ma pendule, 8h et 37 minutes. L'équipe de France qui vient de marquer un essai supplémentaire, nous sommes là. Ouh là là, derrière ça. Je suis perdu. Je ne sais pas si on a sous-estimé les deux, je pense qu'on a surestimé le poids politique. Le voilier sur lequel. Quelqu'un? Il y avait un autre, le président ministre de la Bavière. Oui, de la Bavette. Oh oui, c'est loupé pour Chili. Je ne dirai plus. Non, on est trop là, messieurs, on est trop. Pour un réveil, je vous demande de vous arrêter. En tout cas, c'est raté. Je vous demande de vous arrêter, s'il vous plaît. Côté France, c'est quoi? C'était un coup de pied, un drop, un laisser-aller japonais. Non, c'était pas. C'était une petite transformation, une tentative de transformation. Ouais. Est-ce que là, madame, le maquillage a coulé, hein, est tombé sur les joues. Ouais, c'est un peu dommage. Ça peut avoir son charme, tandis que les Indiens au Japon... moins de... Hein, je ne vois pas l'équipe d'USA, bien qu'il y ait une USA-Russie. Programmé cette semaine. Oh là là, oui, le match à l'ancienne. Hein, USA-Russie, vous vous rendez compte. Ouais, en rugby. Hein, ouais. C'est absolument incroyable. Tandis que je vous rends le Tokyo Walkie, là, s'il vous plaît. Et tout de suite, on se retrouve au jardin japonais, comme vous le savez. Ok, Rogers ou dans les Waters. On voit ça gentiment au ralenti. Non, c'est une relance française avec une prise de Ibagnol. Ibagnol aidé par les commerciaux tout, du site. Ouais, là, okay, qui en veulent. Hein. Là, ils ont pris du pourcentage. Là, ils sont morts de faim. Oui. De la part de marché. Bonjour, Georges. Ouais, par contre, là, la part de balle, normalement, non, finalement, les Japonais n'ont pas pu le récupérer. Au nez. Il manque. Et à la barbe. Oui, c'est ce déficit. Merci, Jacques. Oui, de confirmer. C'est ce déficit de puissance. Hein, Tout à l'heure, c'était déficit. Vous m'expliquerez pourquoi, à un moment, vous dites déficit ou déficit? Claire de Notaire qui balance un peu n'importe où. Oui, va chercher, ramène. Pas d'en avant pour celui-ci. Bien joué, Coco. Tu relances. Toi aussi, tu relances. Alors, voilà. Ouais, bon, lui, il va vite. Hein. Il va dépasser le TGV, sûrement. Par contre, il y avait une cuillère, petite cuillère pour le petit-déj. Cuillère au cou, hein. C'était un peu haut pour la cuillère. Ballon sorti par Japan Team. Japan Team qui joue parfaitement le coup. Moi, je trouve, même s'ils en ont pris, ils jouent quand même pas si mal que ça. Belle proposition. Regarde ça, le petit côté magnifiquement fait. Oh, qu'est-ce qu'il a ramassé. Il est tombé sur Sam Vatt. Il attendait avec tous les conducteurs de bus. Et les passagers aussi, ce qui fait beaucoup. Il était salement attendu, le joueur japonais. Et il conserve pourtant ouverture, le ballon. Yes, avec Nagano. Nagano qui joue olympique. Il pond de la rivière Kwai. Non, il pond le ballon. Oh oui, ils sont obligés de le sortir. Finalement, il faut le jouer. Il va le lutte. Ah, c'est de la technique de lutte gréco. romaine. Un petit peu, oui. Jacques, tu peux mettre les deux ensemble. Hein? Oui, tu peux. Ouais, ouais. Ils ont du mal. Hein. Ils ont du mal à avancer, même s'ils jouent et qu'ils parviennent à conserver le ballon. Voilà, c'est fait. Avec. Oui, Yamashita. Ah, ne refusons pas le combat, les gars, tout droit. Ah, mais il joue magnifiquement. Oh, l'évitement. Oh là, magnifique. Et puis, ils évitent tous les plaquages, effectivement. C'est excellent ce qu'ils font en ce moment sur la pelouse. Avec Colomier, donc, qui récupère ce ballon. Nicolomier. Ouais, c'est bien fait là. Benichou. Ouais, ils vont marquer, ils vont nous en mettre un autre. Ah oui. Oh, bravo. Regarde la combinaison. Bravo, Japon. Oh, oh, ça va vite avec Galtier maintenant. Mais c'est, de toute façon, c'est leur jeu. Hein. Ils sont obligés de faire des petits trucs comme ça s'ils veulent vraiment déstabiliser la défense française. Ils ont un avantage en cours pour eux. Oui, Galtier, oui, Sadourny, oh, ça va vite. Oh, la hirle. Oh, Colomier. Jacques, mais tu tournes fou. Et tu tournes fou, mon ami. Vous êtes en décalage par rapport à l'image. C'est plus dur pour vous suivre. Ah. C'est quelqu'un qui découvre visiblement le concept. Le concept sportage. Effectivement. Oui, mais il y a le time shift normalement. Donc, tu fais le time shift. Ah oui, mais attention, tout le monde n'a pas le time shift à disposition, Jacques. Ah. Oui, effectivement, ça, on a oublié un petit peu, mais tout le monde n'a pas le time shift à disposition. Ça va venir, l'analogique va se terminer, tout le monde va avoir des box, il y aura le foutoir, de toute façon. Et c'est vraiment dommage, parce que l'action japonaise méritait d'aller un petit peu plus loin, ils avaient joué superbement le coup, et même s'ils bénéficient d'une pénalité que ça peut leur donner 3 points supplémentaires, on peut un peu râler, mais le Japon est là, le Japon joue. Qu'allez-vous ? Comment ça, Jacques ne veut rien dire, qu'allez-vous, c'est comment allez-vous, ou alors qu'allez-vous faire. Finissez vos phrases, ou commencez-les correctement, vous me faites chier. C'est droit devant, oui, en tout cas, c'est pour tranquille le... pour lui, oui, là, même... pays même du croissant couché. Du croissant pas arrivé, bien joué Coco, bien joué, c'est 3 points de plus, 3 points supplémentaires pour le Japan Team, ça nous fait 11 points, bon, on se fout des points français du côté Japon. C'est bien, c'est vivant. Ah oui, oh là là, lui lui installe le genou, là, comme il faut, il est... Ouais, on a un genou en plastique, hein. La rotule de direction a lâché, visiblement. PVC. Oh, cette japonaise... Ah, c'est ça, excite-toi. Oh, oh. Je ne dirais pas nous. On va le récupérer par les rouges et noirs. Oh, oh. Qui a pris un double retourné, Ushimata. Réglementaire, en tout cas. Qui s'est fait mettre comme il faut par terre. Mais il joue. Ouais. Eh bien, merci Jean-Louis, merci. Nous allons atteindre la mi-temps déjà en pleine... Ça va vite, Japan matin. Airlines qui trouve la touche. Est-ce qu'il peut le faire? Oui, il est dans ses 22, mais le ballon n'y est-il pas rentré avant d'en ressortir? Non, ça joue rapidement vite, du côté France. Français. Grande ouverture ou implication, infiltration et perdu de l'ouballon ou retourné, ressorti France. Oui, mais ça va. Avec Trouduc qui feinte la passe. Si, on accélère. Heyman qui donne un petit coup. Et là, une fois de plus, le contre. Le contre japonais. Oui, vas-y, qui court. Ah, qui court, personne et met en touche directement. Puisque c'est la mi-temps, Boucherie qui tente de relancer l'affaire. Plaquage, oui, mais l'autre il est costaud là. Attention, pas de faute. Il a tout faim, il est costaud. Et là, c'est le Japon qui est là. Pas de hors-jeu pourtant pour le Japon. Non, je pense qu'il faut arrêter cette mi-temps hein, maintenant, monsieur Safeto. Il va falloir arrêter, bien évidemment, cette première partie de confrontation. Envoyer tout le monde au vestiaire et que va-t-il dire? Attends, quitte pas. Mais je quitte pas, mais ça y est, si on y va, tout le monde au vestiaire les amis. C'est le mi-temps entre le France et le Japon qui voit l'équipe tricolore menée certes, mais mal menée aussi. Menée certes, je regarde, c'est où certes? Alors c'est Snub, hein, Snub qui nous a rejoint visiblement. Et donc il découvre Sportos puisqu'il nous dit vous êtes en décalage par rapport à l'image. C'est plus dur pour vous suivre. Désolé, on essaiera d'améliorer tout le processus, on vous envoie les méga-octets et les gigots. Pour avoir le son et l'image sur des bonnes conditions, on verra. J'appelle tout le monde. Oui, tout le monde au débriefing, s'il vous plaît. C'est l'habitant, il est 9h moins le quart. Bonjour. Push your pure one. Il a tristement célèbre. Est-ce que tu l'auras mis ?